Salut à tous, moi c'est Mathieu, j'ai 28 ans, je suis responsable d'exploitation dans une entreprise événementielle. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la formation de Damien, Esprit Gagnant. Formation que moi j'ai souscrite il y a de ça 2 mois maintenant. En 2 mois, les actions que j'ai mises en place, c'est pas compliqué. Aujourd'hui même d'ailleurs, je viens de caler la date de signature de compromis pour un appartement de 100 mètres carrés. Pour faire de la colocation avec 5 chambres. En parallèle de ça, je suis en train de regarder sur un second bien du même type et pourquoi pas un immeuble de rapport. L'idée étant de concilier au moins 2 projets cette année. L'idée de départ, moi, pour moi, c'était quand même du studio, petit studio entre 16 et 20 mètres carrés pour étudiants et faire du saisonnier l'été. Donc pour vous dire que on est parti sur quand même beaucoup plus gros depuis cette formation. Même si le studio, c'est pas quelque chose qui me dérange, et peut-être que ce sera quelque chose que je ferai après, mais en premières actions, c'est pas ce que je veux faire. Ça, je l'ai eu grâce au contenu de Damien. Alors, pour parler de contenu, justement, quand vous prenez la formation, vous allez avoir un site internet avec tout un tas de vidéos qui va commencer dès le départ sur vraiment se former sur l'immobilier de base, apprendre les bases de l'immobilier tout simplement, parce qu'il faut commencer par les bases, et après vous commencez à partir sur du plus concret et on affine vraiment les recherches. Quand vous avez des questions, Damien en fait nous interroge assez régulièrement pour savoir le contenu à apporter en complément. Il est sans cesse en train de remettre du nouveau contenu, donc ce qui est plutôt bien pour nous. Et je sais que moi, là, en ce moment, j'ai quelques interrogations. Visiblement, je ne suis pas le seul. Boum, ça y est, quelques jours après, une semaine après, même pas, la vidéo sera là. Si on a besoin de questions tout de suite, c'est pas grave. Il y a d'autres solutions aussi. C'est parce qu'on a un groupe privé Facebook où, en fait, on est forcément les membres de la formation, où on parle, nous, de l'état d'avancement de nos projets. Et donc du coup, entre nous, si on a les réponses, ça nous permet de répondre un petit peu aux interrogations de chacun, et forcément Damien qui vient aussi nous aider, nous mettre sa petite patte et nous donner des indications, des réponses, etc., et nous coacher dans ce sens-là. Au-delà de ça, vous avez aussi des coachings, donc coaching commun aussi, tous les mois. Ce qui nous permet de faire tous le point un petit peu d'avancement par rapport au mois d'avant, avec les buts qui nous avaient été donnés le mois précédent. Damien nous donne toujours des actions à mettre en place tous les mois et puis on fait le point. Et dans ces coachings, il fait venir aussi des intervenants de type courtier, notaire, entrepreneur, avocat, fiscaliste, etc. Enfin, voilà, vous avez bien compris que du coup, on a tout ce qu'il faut, toutes les questions à poser, etc. Moi, je sais que je prends énormément de notes et que ça me permet de me former et d'avoir déjà pas mal d'infos sur des questions qui pourraient me venir quelques temps plus tard. Voilà pour la partie un petit peu formation. Sinon, pour parler de un petit peu plus le monsieur Damien, donc moi je sais que c'est quelqu'un qui m'a aussi ouvert les yeux énormément, qui m'a boosté. J'ai mis en place plein de choses depuis, vraiment plein de choses, que ce soit dans le business, dans le développement personnel, parce que il a vraiment une super énergie. C'est pas un vendeur de rêve, comme on peut voir dans certaines formations ou vidéos qu'il pourrait y avoir avec des mecs ou des nanas qui vendent des formations qui je trouve, moi personnellement, qui n'ont ni queue ni tête. Alors que Damien, voilà, lui, il vous vend du concret, il vous suit. Je sais que moi, j'ai pu apprendre un petit peu la négociation. Je pensais connaître la négociation, mais je pensais seulement parce que voilà, Damien, il est vraiment derrière. Et rien que sur mon dernier bien, sur une petite action supplémentaire, déjà dans la négociation qui pour moi était quasiment faite, j'étais prêt à signer le bien, et ben il a remis une petite touche et puis il avait raison. Et n'empêche que cette action, cette petite touche, m'a payé ma formation. Donc rien que pour ça, voilà, je vous encourage vivement à prendre cette formation. Il faut se former de toute façon, c'est obligé. Et si vous voulez vous former sur l'immobilier, vous êtes bien tombé. Clairement, vous êtes bien tombé. Je le conseille à mes proches, je le conseille à tous ceux qui veulent commencer l'investissement locatif. C'est passage obligatoire. Voilà, écoute, Je te dis de l'autre côté et à très bientôt. Ciao.